À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit DJ Case. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap DJ Case, c'est maintenant sur Skyrock. Et on est parti pour un nouveau Planet Rap. Passez une bonne soirée, j'espère que le week-end a été bon. Les vacances aussi pour certains, courage à ceux qui taffent et qui attendent les résultats des examens. Comment ça va DJ Case? Ça me fait 1, 2, 1, 2, Case, on l'entend pas, là c'est bon, on l'entend. Non, je crois que nous avons un problème de micro. Tiens, sur Case. La semaine commence fort. Là c'est bon. Ça va? Bah ouais, ça me depuis fait hier drôle. Soir, depuis bah, le Rail Suprême hier soir, voilà. Voilà. C'est pas souvent qu'on revient le lendemain, mais bon, ça fait plaisir. Et là, et en plus tous les soirs. Tous les soirs. Ouais. Tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. Alors il faut rappeler que Case, il est là les dimanches soirs avec Rail Suprême, hein, émission qui est numéro 1. Bravo. C'est ça, bah merci. Bravo aussi avec cet album qui s'appelle Paris, Oran New York, qui est sorti quoi, il y a une dizaine de jours? Ouais, c'est ça, 15 jours là. 15 jours maintenant, ouais. 15 jours, voilà. Donc ça fait plaisir. Et bien on va fêter ça toute cette semaine. Bien sûr, ah oui. Là en plus c'est la bonne période, c'est caniculaire cette semaine, donc c'est pile poil le bon moment. Ouais. C'est le bon moment pour aller acheter aussi l'album, ceux qui ne l'ont pas encore. C'est ça, le slogan c'est l'album pour la route du bled, donc ça tombe. Il y en a qui commencent à partir en vacances, donc c'est le et bon moment. Et en route. C'est ça. D'ailleurs on va en profiter aussi pour saluer particulièrement la Tunisie et tous ceux qui ont pu être touchés là-bas par les différents événements qui a pu avoir lieu. Gros soutien à la Tunisie. Un gros soutien. Il faut y aller. Je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça, mais il faut y aller. Il faut aller soutenir. Bien sûr, il faut y aller. Il faut continuer, voilà, il faut continuer aussi à faire la fête. Je suppose que toi t'iras. Bah moi j'y reste après, été, après le Ramadan. Malgré tout ça, oui, j'y reste été. J'y vais en général tous les étés à Mamet, Tunis. Donc cet été, on va faire danser les Tunisiens. Et bon, on fera un petit point cette semaine entre 20. Tunisie, Fred part aussi en Tunisie. Oui, je pars en Tunisie. Ouais, hein, je pars en Tunisie. Tu vois je pars à mi-juillet en Tunisie. Ouais. Ça c'est la voix d'Axel Tony. Voilà, je voulais qu'on les salue au fur et à mesure, Case, les invités de ce soir. Mais il y en a un qui a tellement besoin de parler, tellement besoin de s'exprimer. Qu'est-ce que t'as fait des vaccins? Qu'est-ce qu'il y a? Non, y a rien. Un petit si vous avez les images, rien de méchant. Ah ouais, bah, accident sur le bras et la mimine. Non, c'est rien de méchant, rien de méchant. Fab, au lieu de tourner derrière moi, est-ce que tu peux aller débrancher ce micro et enfiler un Case? Parce que sinon, ça va être compliqué. Est-ce que le mec tourne derrière On a un problème sur ce micro, juste voilà, tu sais ce qu'on va faire? On va mettre le medley de Paris Oran New York et on présente tout le monde juste après et on rétablit les micros. Allez, ça va. Planète Rap. Qu'elle aime pas la funk. Pourtant elle danse comme personne. Elle dit qu'elle aime pas la funk. Mais elle devient folle sur George Benson. Planet Rap. Paris, Oran, New York, c'est dans les bacs avec DJ Case à l'instant et on a pu avoir un petit aperçu. Combien de morceaux, rappelle-nous, Case? 31 morceaux. 31 morceaux pour c'est faire ça. La fête. Ça fait c'est un ça. Par jour. 31 titres inédits, ouais. C'est vrai, ça fait un par jour, tu as raison, ouais, Axel, donc il faut le récupérer. Bon, alors je sens qu'ils ont tous envie de parler, vas-y. Faisons le tour de table tout de suite, Case. Axel, alors on va laisser. Donc Axel Tony qui est là. Hein. Ouais, enchanté. Célèbre chanteur pour dames. un lover, voilà. C'est comme ça qu'on pourrait. Comment tu pourrais le décrire, toi, Case, Axel Tony? Axel Tony, il a une très grande voix. Mmh. Très grande voix de. Merci. De la musique française, du R&B. Merci. Voilà. Très, très content qu'il soit sur mon projet. Merci à toi de m'avoir invité. Hein. Mmh. Donc il est, on le rappelle, il est sur le titre Validé. Validé. En fait, donc il y a Ritza et Axel Tony, voilà, qui est là. Et Ritza qui est là aussi. Il peut ça parler, va, Ritza. Okay. Ça va en forme? Ça va. Je te sens un petit peu. Tu m'as l'air le plus calme de tout. Il fait le ramadan. On est discret mais présent. D'accord, c'est ça. Parce qu'il y a quelques agités hein, dans le studio, je sais pas, tout de suite. Il faut tout, tu vois. Ah oui, on peut si le rappeler, oui, il y a la Tos Family qui est là. La Tos Family. Farid et Oussama qui sont là. Voilà, ils sont constamment là. Sur leur portable, ouais. Qu'on voit des vidéos. Ah, qui font des canulars en permanence. C'est-à-dire ouais, c'est que les mecs, tu vois, prennent une photo, ils te filment. D'ailleurs, je crois qu'ils viennent de faire une vidéo là, à Barbès, là, c'est ça, hein. Ouais. Ah, Oussama, tu la mets quand la vidéo? Ah, les problèmes. Ce soir. Moi j'en ai vu une dans le métro. Ah, dans le métro, ouais. Dans le métro, c'était un peu chaud. Enfin, il y en a un qui va se prendre une tarte dans la tête. Donc Farid Oussama sont là, on continue le tour de table aussi. Ouais, il y a Isno qui est avec nous, donc jeune artiste de la ville d'Orléans, qui chante, enchanté. Qui fait un peu de tout. On a pu le découvrir sur Aïe Suprême quand on avait fait un live il y a 2 semaines. Voilà, il est super méga tout terrain. Et d'ailleurs on aura l'occasion de le découvrir sur un titre. Il a fait une version de Cheerleader, donc sa version à lui française. Et je crois qu'on va la mettre demain, je pense. Et bon, on pourra découvrir ça cette semaine entre 20 et 21. Donc la connexion avec Orléans aussi, écrite ça, qu'elle a. Exactement, ça, et 45. Et le projet Paris, Oran, New York. On débute avec un morceau tout de suite, et puis juste après, on parle un petit peu avec tout le monde. Il y a Diesel qui arrive aussi. Et puis Diesel qui arrive d'une minute à l'autre. Mm-hmm. On débute avec quel titre? Validé, justement. Validé avec, Validé voilà, deux amis qui sont là. Donc, Axel Tony, Ritza. Voilà, on le rappelle, dès qu'il est sorti, il était numéro 1 sur iTunes, et ça a fait un gros buzz, et sur les réseaux sociaux, les gens connaissent déjà le titre par cœur. Plus d'un million en même pas 2 semaines. Voilà, le clip, voilà, c'est un titre vraiment bien accueilli. Il transpire l'été, le morceau. On a détrôné Omi. C'est pas mal. Une journée, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est bon. Il nous a laissé fouler la pelouse après, il a déjà allé. L'espace de 24 heures. Voilà. Et réagissez aussi, tiens, si vous avez récupéré Paris, Oran, New York, vos morceaux préférés, vous les balancez avec le hashtag DJ Case sur Skyrock. Ouais, 41759 par SMS. Et on débute donc avec Validé. Allez, c'est Validé. Validé. Tu connais le phénomène, ça rentre toujours les dégâts. Demande à Justin, on est toujours dans les temps. Mais peu importe si tu m'aimes, mon cœur s'en vient en montant. Y'a trop de jalousie, à ce qui paraît je te dérange. On s'enchaîne sur tes DJ Case. À fond dans la caisse, à fond dans la tête. T'es les charges sur ton tel. Toi t'es plus le même, je crois t'es fou d'elle. Oh les problèmes. Appelle-moi pour un FIFA, appelle-moi pour un foot. T'en fais danser les défenses, nous on fait lever la foule. Bouge ton bassin tourne l'épaule, c'est comme ça chez nous. Je te donnerai bien mon fun, mais ton père me regarde chelou. Miss t'es trop belle, je vais te mali-malier. Direction le bled, c'est validé. La vie va bien, j'ai besoin de m'évader. Mojito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais, allez, allez, allez. Pas que ça perd moi, allez, allez, allez. Je crois je vais m'en aller moi, allez, allez, allez. Salam, salam, allez, allez, allez. Miss t'es trop belle, je vais te mali-malier. Direction le bled, c'est validé. Gros KTM, j'oublie les Champs-Élysées. Tropico à la main, calé sous les palmiers. Danse, vas-y, danse, moi je kiffe. Sors ta plus belle robe, tes talons, fais la gif. Omri, danse, vas-y, danse, moi je kiffe. N'écoute pas les gens, oui c'est bon, fais ta if. J'suis pas Ronaldo, j'ai pas de Lamborghini. J't'invite au matos, t'es gentil, t'as la bimine. Non bébé, je rigole, fais pas ta timide. J'aime trop quand tu m'ignores, j'adore quand tu souris, yeah. Me fais pas croire que t'es fatigué. Case en platine, t'as validé. Du gros son, c'est les holidays. On arrive, tu veux parier. Direction le bled, c'est validé. La vie va bien, j'ai besoin de m'évader. Mojito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais, allez, allez, allez. Pas que ça perd moi, allez, allez, allez. Je crois je vais m'en aller moi, allez, allez, allez. Salam, salam, allez, allez, allez. Je t'ai cherché, je t'ai trouvé. Tu sais que mon cœur attendait. Seul dans mon lit, y'a comme un vide. Toute la nuit, je fais que penser. Je suis un kiss, kiss girl, je suis ailleurs. Pour ceux qui disent, n'en aie pas peur. T'es pas prête, pas besoin de parler. Je t'en prie, juste ouvre-moi ton cœur. je vais te mali-malier. Direction le bled, c'est validé. Habiba, viens, j'ai besoin de m'évader. Mojito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais, allez, allez, allez. Pas que ça perd, moi, allez, allez, allez. Je crois que je vais m'en aller, moi, allez, allez, allez. Salam, salam, allez, allez, allez. Nice, t'es trop belle, je vais te mali-malier. Direction le bled, c'est validé. Habiba, viens, j'ai besoin de m'évader. Mojito à la main, calé sous les palmiers. Allez, allez, allez, pas que ça à faire, moi. Allez, allez, allez, je crois que je vais m'en aller, moi. Allez, allez, allez, salam, salam, allez, allez, allez. Le morceau s'appelle Valider les Validé, sons. Validé, validé, validé, validé. Paris, New York, petit clin d'œil, il y a un chanteur turc aussi sur. C'est ça, ouais, Tarkan, hein, ouais. Kiss Kiss. Kiss Kiss. Clin d'œil. Voilà. Clin d'œil. Faut demander à Ritza, je crois, ça. Et ouais, petit clin d'œil, tu connais. La voilà, chanson du bisou. D'œil. La chanson bisou. Du bisou. La chanson du bisou. C'est ça. Voilà, voilà, un morceau de Tarkan qui était sorti il y a quelques années déjà. Mmh. Oui. Et là, vous le retrouvez avec une nouvelle version avec Ritza, avec Axel Tony. Voilà, et DJ Case. Et DJ Case au contrôle. Rappelle-nous un peu, Case, d'ailleurs, l'origine de Paris Oran New York. Parce qu'il y a eu plusieurs numéros. Yes, alors à la base c'était des mixtapes. La première mixtape c'était en 2005. Bah, maintenant ça fait 10 ans. Donc 10 en fait, les 10 ans de Paris Oran New York. Et j'ai fait 6 ou 7 mixtapes. Et l'année dernière c'était une nouvelle génération de Paris Oran New York, c'est-à-dire composée exclusivement d'inédits. Alors qu'à la base c'était une mixtape réunissant les plus gros tubes de l'année, mixés façon DJ Case. Et là l'année dernière, donc c'était Paris Oran New York, on repartait sur un nouveau volume. Donc le volume 1, on va dire des inédits. Et cette année c'est le volume 2 qui pour moi. Et plus abouti que celui de l'année dernière, même si l'année dernière était bien. Les prods, c'est pas toi qui fais tout en prod? Non, c'est pas moi qui fais tout. On a plusieurs compositeurs. D'ailleurs, il y en a un qui est ici. Il s'appelle Farid Guetta. Il vient tout droit de Lyon. Farid Guetta, le frère cousin de David. Ou le cousin. Frère, cousin, on sait pas trop. Quelqu'un très très chaud. Quelqu'un de très très chaud. Ah, il est chaud, il est chaud. Il va s'exprimer. Voilà, il nous vient de Lyon. Un peu moins de cheveux que David. Hein. Il a un problème capillaire. Ça fait longtemps qu'il est dans le métier et on se connaît depuis 2-3 ans. Et ça fait plaisir qu'il soit sur le projet. Il a composé, je crois, sur 4 ou 5 titres. 5-4. Voilà. Et quel titre alors, dis-nous quel alors, titre, quel titre alors les titres c'est Beauté marocaine avec Souf, Ritza, Axel Tony, Validé, donc qu'on écoute à l'instant. Voilà, l'autre titre c'est avec Naira et Aaron. Et le quatrième, Zifou. Et le morceau de Zifou. Voilà, qu'on écoutera demain, ça. Zifou, ouais. Bon, tout va bien? Ouais, nickel. Donc, de Lyon. De Lyon. C'est quoi un peu, ouais, ton parcours pour te retrouver jusque sur Paris Oran New York? Bah, en fait, je fais du son. À Lyon, je suis. Enfin, dans le milieu lyonnais musical, j'ai mon petit nom. Donc, je travaille avec pas mal d'artistes lyonnais, un peu parisiens, etc. Et j'ai eu l'occasion de faire connaissance avec Monsieur Case. Je me souviens plus comment. Ah non, ouais, c'était par intermédiaire, je crois. Par intermédiaire, ouais. Voilà. Et puis, des fois, quand je fais mes soirées à Lyon aussi, il vient me rendre visite. Et voilà, c'est quelqu'un qui a un compositeur qui a la mélodie facile. Et nous, on aime bien pour l'été les prods un petit peu funky. C'est sa spécialité. Un petit peu de guitare, d'ailleurs, c'est un musicos aussi. Donc, grand compositeur. Je crois qu'il avait même collaboré sur les titres à l'époque de Tragédie, tout ça. Non, j'avais travaillé avec un groupe qui travaille avec Tragédie. Voilà, donc cette époque-là, donc il date de longtemps. Donc il y a un sacré moment que dans la musique en tout cas. Ouais. Et moi, quand on m'a dit Farid Guetta, ça m'a interpellé. Farid Guetta, ça super original. En fait, c'est pas de moi, c'est des potes à Lyon. C'est resté. Oui, j'ai demandé, ça vient d'où en fait, Farid Guetta. C'est des potes pour planer en fait. Voilà, sans les cheveux. Tu m'appelais comme ça, voilà, sans les cheveux. Mais pas de lien familial, pas de. Non. Dommage. J'ai pas cet honneur-là. Après voilà, donc après j'ai eu l'occasion de travailler avec DJ Case. Ce qui est agréable avec lui, c'est qu'au moins les sons, on les travaille dans le détail. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Et c'est vrai que ça m'a pas mal inspiré dans mes prods. Ça m'a permis d'évoluer aussi au niveau de prendre du grain dans mes sons. Donc il m'a mis un peu de lumière sur les choses que je connaissais pas. Donc, ah, ça fait plaisir. Et bah, vous le retrouvez donc sur le projet Paris Oran New York avec DJ Case. On a pas été galant non plus puisqu'il y a une jeune fille qui nous a rejoint. Bien sûr, c'est Diesel. Qui nous vient de Toulouse. Ah, de Toulouse. Tu viens de Toulouse, Diesel? Non, tu viens pas de Toulouse. C'est Sergi, non? Ah non, c'est Sergi. Sergi du Ah bah, c'est Sergi. À côté. C'est à côté. Ah oui, c'est à côté. Toulouse-Sergi, c'est juste à côté. Ah oui, voilà. C'est ça. Pourquoi je pense que tu viens de Toulouse en fait? Ah bah, je sais pas. Non, parce que tu confonds avec Lilia Déesse. Non, mais Lilia Déesse, je vois très bien. Ouais, mais je pensais aussi que Diesel, tu étais de Toulouse. Ah non, pas du tout. Écoute, voilà. Des deux alors, Diesel. Pas grave, on t'excuse. De Sergi. Sergi. Voilà. À côté de Toulouse. On salue tous les Toulousains d'ailleurs. Jusqu'au bout. Tu passes Toulouse, t'arrives à Sergi. T'es juste à côté. Ça va bien, Diesel? Ouais, super. En pleine forme? Ouais, super. Et vous? Ça va, très ça très va. Bien. On est là, on est va là. Bien, t'en as pas l'air. La clim est là. Je sais qu'elle a charbonné ces derniers temps. C'est donc la super ambiance. C'est ça, là, un nouveau titre qui est sorti, c'est DJ. Ouais, ouais, ouais, c'est une reprise de Magic K. Magic K, voilà. One T. Et elle a un titre qu'on devait mettre sur Power New York, donc c'est Kanye Lele. Et on le sortira en single l'été, comme on est faute de temps, oui, voilà, qui est très demandé. On le fait péter sur les rails suprêmes le dimanche soir. Beaucoup demandent ah, pourquoi tu l'as pas mis dans l'album, pourquoi. Puis il y a des choses un petit peu dans l'industrie de la musique qui sont un petit peu plus complexes, donc on le sortira en single cet été. Plus tard. Et voilà, et on aura la chance de que Diesel l'interprète, je pense, soit tout à l'heure, soit demain, pourquoi pas. Ouais, c'est ça. Bon, et bah bienvenue Diesel en tout cas, entre 20 et 21, Paris ou en New York, on met un autre morceau tout de suite. Ouais. On y va. Là, ça va être le morceau qu'on joue sur Skyrock depuis à peu près un mois. Johnny G, voilà. Avec Mister You, Sofia Cara, Dr. Zeus. Le clip a dépassé les 6 millions de vues. Ouh. Le titre est très bien accueilli. C'est un ovni avec une gimmick extraordinaire. Donc, je big up tous ces artistes-là et on écoute maintenant. Allez, coup d'envoi, Yuga Taga. Je voudrais me s'excuser, je fais un bitches. Un acheté qui, j'ai pris un cheese. Et ce soir, on va s'asseoir. C'est DJ Kaz et Mister You. Marrakech à Bollywood, casa negra, voisin de où? C'est 2015, ok, je peux commencer à me la raconter. Ils savent tous que je suis coté, Dieu seul sait ce que j'ai de côté. Big up à tous mes frères, toujours en train de traficoter. Le comble pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Je suis en coloc avec moi-même, non dans ma tête, je sais pas ce qui se passe. J'ai bu trois verres, je suis faillage toute la terre. Je rejoins l'espace, c'est qu'un boy quand je lève mon majeur, je prends un selfie, je leur dédicace. Mon star, c'est je suis sur la piste, le platine c'est DJ Kaïs. Et sur Snapchat, je suis en ami avec Natacha. Ce qu'elle kiffe, c'est les chichos. Avec Aïcha Andisha. Jukni dikh pai vich roi, oh tero ro khamli hoi, oh tero ro khamli hoi. Dam kutku, dam kutku, dam kutku, dam dam dam kutku, dam kutku, dam kutku, kutku. Ouais, je repense à Paris, à ce vieux temps pourri. Je me fais masser, je fais bronzer toute l'après-midi. Je goûte toutes sortes de cocktails, fraises, vodka, litchi. Bref, pour le moment, si j'investis, c'est pour la maman. J'ai pas trop le temps, donc s'il vous plaît, me parle à ma montre. Ce soir, chauffe tout le monde, même quand je le pousse à bout. On se croirait dans les Simpsons, les puissiers, je l'appelle à Pou. À l'instant, Johnny G, c'est Johnny comme ça G, qu'on ouais. prononce. Qui a fait, ouais, c'est ça, Johnny G. C'est un titre qui a fait pas mal de bruit. Je suis content d'avoir commencé ce projet avec comme premier single Johnny G, parce que c'est très, très bien accueilli. Ça a ramené un petit peu le côté oriental, dont je suis un petit peu spécialiste dans le domaine. Et en même temps, Mister You, un artiste avec qui j'aime collaborer, c'était pas la première fois, et on se connaît depuis longtemps. Et c'est une collaboration en même temps internationale, comme il y a Sofia Cara qui est une. qui est une chanteuse qui vient d'Inde, mais qui vient en Europe, Allemagne ou Suisse, et Dr Zeus qui est à Londres. Donc on a fait une combinaison européenne et multiracial. Très bien, donc pour ce projet qui est dans les bacs aussi sur Paris, Oran, New York. Tiens, on va faire d'ailleurs le petit jeu. Tout le monde a été à Paris, Oran, New York autour de la table ou pas? Paris, oui, déjà. Paris, oui, forcément, mais. Axel, forcément, mais. Là, je vais t'inquiéter. Pour New York, pour Oran. Oran dans le cœur et New York dans les rêves. Voilà. Ritzin. New York dans GTA Sandria, c'est tout. D'accord. Dans GTA, tout ça. Ouais. Juste dans GTA, en fait. GVT, ouais, juste dans GTA. Toi, Axel, oui. Toi, ouais, t'as voyagé. Axel, toi. Miami. Ah. Miami, New York. C'est ça. Bah, toi aussi, oui, bien sûr, mais je voulais rappeler d'abord aussi déjà la signification, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais, c'est pourquoi vrai. Paris en New York. C'était justement donc il y a 10 ans, et je cherchais de mettre une marque un petit peu de DJ, je voulais faire un truc un petit peu original, donc mettre une ville, associer la ville à chaque style de musique. Donc Paris pour le rap français, le R&B français aussi, de là où on vient. Pourquoi Oran? Parce que c'était la ville du rail, et là, ils m'ont dit ouais, pourquoi pas Marrakech, Alger, Casa, Tunis. Et puis je leur ai expliqué, quand c'est du cas par cas, je les vois en soirée ou ailleurs, je leur explique que Oran, bon, c'est de là où tous les grands chanteurs rail viennent. Chef Khaled, Zawania, Mami, j'en ai oublié, mais voilà, tous les grands chanteurs de rail. Et New York, puisque à cette époque-là, c'était un petit peu l'époque 50 Cent, tout ça, puis les musiques américaines. Donc c'est un subtil le nom de ce projet. Voilà, de Paris, Oran, New York. Et ça fait maintenant 10 ans et ça survit. Eh bien, nous allons faire le petit quiz. C'est mieux où, à Paris, Oran ou New York? Pour ceux qui ont voyagé, hein, pour GTA, ce sera. On va faire un quiz. Je vous laisse parler, les gars. Donc, le temps, c'est mieux où? Oran. Oran, tout le monde est d'accord. Je crois aussi. Ouais. Ok. La nourriture. Paris. Paris. Paris. Ouais. Ouais. On mange bien quand même. Paris. C'est la bonne bouffe. Le paysage. Les trois. Oran pour moi. Allez. Bon, on peut dire les trois aussi. Ouais, les trois. On peut dire ça dépend des saisons. L'hiver, voilà. Moi, j'aime bien New York. La neige et tout. Christmas. Ah oui, t'as un mec qui vient du Nord aussi. Les influences musicales. Moi, New York. Perso. New York. Pareil. Ah ouais, New York. Ah oui. Paris. Je connais que Paris. Oh, Paris. Il m'en parle. Orléans même, d'ailleurs. Paris-Orléans. Voilà. Je connais, gros. Nous, on n'est pas loin, nous. La cathédrale d'Orléans. Tu vois. L'ambiance, les soirées. New York. Paris. New York. Paris. Non. Pour moi, Paris. Paris, je connais Paris. Oui, Orléans, ouais, ok. New York. Case. Pour moi, c'est Paris. Oran, non? Oran, oui, pour les cabarets. Quelques bonnes soirées. Oui, bien sûr, ouais. Dans les cabarets, quand même. Oui, d'un autre style de musique. Salut. Mais c'est, oui, l'été, Oran, et l'année, Paris. Voilà, Case, et Saïdia. Et Saïdia aussi. Saïdia aussi, Case. Il est Saïdia, les Marocains. Bon, compliqué celle-ci. Les filles. Elles sont plus jolies où? Paris, Oran, New York? Partout. Ouais. J'étais partout. Axel, de toute façon, il est professionnel. Axel, c'est normal. Non. Mais c'est même pas professionnel, c'est que le mec, c'est un tel crevard que partout. Tu vois, voilà l'image que Fred, il me donne. Moi, je veux pas fâcher les femmes. J'ai dit, les femmes sont belles partout. Bien sûr, oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà. C'est bien, tu es diplomate. T'as raison. La population, la mentalité, les gens. Oran, c'est un petit peu côté espagnol, ouais. accueil, soleil, la fête. C'est cool. Orléans, GTA. Ritza, dis-leur à Orléans comment on est. Orléans, non, faut pas y aller, je suis désolé. La ville, j'aime bien, je viens de là, mais. Moi, je dirais. Ah oui, drôle de mentalité. On est accueillant quand même, un minimum. Ouais. Faut tomber sur Ritza et Isno. Après, c'est mort. Ah, après, je sais pas. Sinon, c'est un peu plus compliqué. Voilà pour ce petit quiz par Euro New York, pour ceux qui ont voyagé. Dites-nous aussi avec le hashtag DJ Case sur Skyrock, quel morceau vous font voyager sur le projet Paris Oran New York. Ouais. Quel morceau vous avez envie d'écouter? Qu'est-ce qu'on mettra d'ailleurs dans un instant? On va mettre Il faut avancer. Donc c'est un featuring avec Dadas. L'artiste et Ahmed Chaouki. Ne bougez pas, c'est juste après ça. Très très gros morceau. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit DJ Case pendant une heure complète ce soir. Planet Rap. Planet Rap DJ Case. DJ KZ, le projet Paris Oran New York, yes, qui est sorti il y a une quinzaine de jours. Ah, j'ai pris la place à Ritza. Il y a un rapprochement entre Ritza et... Non, c'est la sœur. C'est faux. Enfin, rapprochement, bien sûr. Je voulais aussi... Elle était vexée, Diesel, parce que j'ai dit Toulouse tout à l'heure. Et je voulais rappeler que le morceau qu'on vient d'écouter aussi précédemment, il est sur le projet. Donc, Mokobe et P-Square, Get It Down, donc que vous avez en playlist sur Skyrock, il est sur le projet. C'est la numéro 25 ou 26, je me souviens. On croit, hein. On croit. T'as pas besoin de donner le numéro, ok, c'est bon, on croit. Donc n'hésitez pas. Et pour ceux qui n'ont pas encore pêché sur le projet, mais c'est dispo partout, iTunes, les magasins un petit peu partout. Et j'ai quelques petites petits big up. Un pour Edia, donc c'est un compositeur qui a composé aussi pour le projet. Edia, qui est originaire de Antibes, Nice. Donc big up à tout le 06, c'est son anniversaire. Bon joyeux anniversaire. Eh ben, joyeux anniversaire, Edia. Je sais pas quel âge ça lui fait, mais que du bonheur très pour jeune, lui. Très jeune, très très jeune. Fort, hein. Voilà. Et un de nos partenaires avec qui on fait des clips, et il a une marque de boisson qui s'appelle Sweetie. Donc dédicace à Maclouf de Lyon aussi. Voilà, et on a du Sweetie là. Bon, là, Sweetie, pour ceux qui font le ramadan, il faudra qu'ils attendent tout à l'heure. Mais pour ceux qui veulent déguster, c'est maintenant. Mais ça se boit frais. Il vaut mieux le boire frais. Ouais, c'est très frais. Hein, c'est un petit peu. On va le laisser rafraîchir un petit peu. Il a fait le trajet Lyon-Paris. Même à Saïdia, il a été celui-là. Ah ouais, il a été partout. Il a été partout. Bon, faisons aussi un petit tour de table dans un instant. On va mettre le morceau, il faut avancer, mais un petit tour de table sur l'actualité de chacun. Tiens, Axel. Alors, l'actualité, c'est. Ben, aujourd'hui, j'ai un nouveau clip qui est sorti qui s'appelle Danse. Donc voilà. Donc, c'est un nouvel album en préparation. Voilà, un nouvel album en préparation pour octobre. Je fais la Cigale le 22 octobre. Et l'actualité, c'est ben, aujourd'hui la sortie du clip Danse, voilà, sur YouTube. Et le son aussi est disponible. Disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, les gars. Voilà, sur iTunes, Amazon, et voilà, sur toutes. Et voilà, c'est l'actu. Okay, sur Give Me All Tour. Un mot sur Axel, pourquoi il a débarqué sur le projet, quelqu'un que tu suis depuis un moment. Il m'a dragué. Il devait déjà poser l'année dernière, il y a deux ans, mais bon, il n'avait pas le temps. Là, et cette année, bon, en fait, nos producteurs se connaissent. Donc, voilà. Big up à JR et Justin Record. Et ça s'est fait comme ça, la combinaison. Et puis, nous, on écoute Axel Tony. Moi, je l'ai découvert il y a maintenant 3 ou 4 ans, je crois. Ouais. Voilà, puis, à travers des scènes. Et, d'ailleurs, on était ensemble l'année dernière dans on une. On était à Lyon, d'ailleurs, ensemble. On a fait un plateau à la même période de l'année dernière. Voilà. Et enfin, on a pu collaborer ensemble avec Axel, un sacré chanteur, en tout cas. Voilà. Très grand chanteur. Depuis très longtemps, ceux qui connaissent Diams l'ont connu aussi, puisqu'il était derrière Diams. Derrière Kerry aussi. Derrière Kerry, sur les concerts de Kerry, de Diams, je le voyais à chaque fois, Axel, en disant un jour je percerai, ce sera moi devant. Et puis voilà, ça marche, c'est bien. Ça marche. Même Fred m'avait fait un canular une fois. Je devais monter sur scène à l'Olympia. Moi, j'ai fait ça. Tu te rappelles pas? Dans les loges de l'Olympia. Dans les loges de l'Olympia, je me souviens, j'avais fait une connerie. Une blague, j'étais sous la douche. Je me dis, bon, je vais me doucher avant de monter sur scène. Normal. Et Fred, il frappe. Ouais, dépêche-toi, Mélanie. Elle est sur scène. Elle est déjà sur scène. Et moi, je sors en petite serviette, là, qui ouvre la porte. Le mec était prêt à débarquer sur scène de l'Olympia. C'est vrai que j'ai fait pas mal de conneries sur scène. Tu dois l'avoir, ça, dans les archives. J'ai tout ça dans les archives. Je me replongerai, tu m'as donné une bonne idée, j'avais oublié ça. Donc bientôt à voir. Donc Axel qui est là, un petit point sur Ritza aussi qui reviendra avec un album. J'ai vu Ritza très rapidement en fait. De quoi? Très rapidement. Un nouvel album. Ouais, on attaque un double album là. C'est 30... un double album quand même. Ouais, 30 sons en fait. 15 sons un petit peu. À la Muggy, les gars sont chauds en ce moment. Ouais, les mecs sont chauds là. Donc c'est quoi quand même? Un triple best-of. Fin 2015, début 2016. Avant 2016, ça c'est sûr. Ah, avant 2016. Ouais, je vais le plier là. Plier. Ritza, il est dans l'écurie Justin Record. Et voilà, il est obligé d'être sur les projets. C'est normal. On progresse vite justement. Avec ce genre de projet, ça permet de progresser, d'aller où j'étais pas avant. C'est-à-dire que j'étais plus dans love, pop, un peu variette. Donc là, j'ai pu aller sur du reggaeton, tout ça. Donc ça peut faire qu'avancer. Et donc voilà, donc on suivra ça pour la fin de l'année de 2015. Voilà, avant 2016. Diesel? Oui, c'est moi. Je te dérange? Non, super, super. Bah écoutez, moi, mon projet, il arrive normalement à la rentrée. Là, on a sorti mon single DJ. Et toujours sur les projets à DJ Kaïs. Diesel, c'est pareil, elle est dans l'écurie Juston et elle est là depuis le début. Et une très grande artiste qui va faire parler d'elle. Déjà qui a fait parler d'elle, mais là, je pense que d'ici la rentrée, on la connaîtra davantage. Et d'ailleurs, je crois que t'as un album qui sort bientôt. Ouais, c'est ça, normalement à la rentrée. À la rentrée 2015. Voilà. Merci, en tout cas, on suivra ça. On continue le tour de table aussi. Il y a Isno. Qui est là, voilà. Bah, moi-même, Orléans, 45. J'ai un petit projet qui va arriver incessamment sous peu en espérant que le public le découvre correctement. Et merci à DJ Case de m'avoir invité pour ambiancer Paris au Grand New York toute la semaine. Voilà, on va mettre le feu. Et bah, tu vas nous ambiancer. Tiens, il y a un morceau ambiancé maintenant, il faut avancer. Ça, il y a nos soucis. On y va? En tout cas, voilà. Merci beaucoup, la famille. Tiens, vas-y, ambiance-le tout de suite. C'est parti, Dadas au micro. Allons-y, l'artiste Justin Record. Tout le monde est là, mais ça va. Soyez pas timide, montez le son, la famille. Big up Dadas. Souris-moi, ça ne tue pas. Tu sors de Panama ou Calcutta. Tu sors de Marseille ou de Bombay. Y'en a marre de se faire la guerre. Combien de frères sont tombés? Ça m'en a marre de prendre un verre. Des fois je m'isole, je suis dans un film. J'ai l'impression. On débute tout doucement, la famille. Allons-y, DJ K. On est dans le partage, on est fédérateurs. C'est beaucoup mieux que de faire l'acteur. Y'a pas de critères de foi et de couleur. Rejoins-nous, quel que soit ton secteur. Taille ou de poids. JJK, on avance tous ensemble. Sinon tu recules. Toute l'Afrique va avancer. Lourdeur sur Skyrock aujourd'hui, la famille, branchez-vous. On vous attend sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Hashtag DJK, Paris au Grand New York. Soyez brûlants. Il faut avancer à l'instant. C'est Paris No. C'était sur Paris Orange New York et c'est toujours sur Paris Orange New York dans les bacs. Yeah. 31 morceaux qu'on. Pour 10 euros, c'est pas cher. 31, hein. Ouais, chaleur. Sincèrement, chaleur. 31 morceaux. Allez-y. 31 morceaux sur iTunes, c'est à 7,99€. Donc 31 morceaux inédits à 7,99€ et dans les bacs, c'est à même pas 10 balles. Non, c'est presque 10 balles, mais 100 balles. C'est cadeau. Case, c'est de l'humanitaire. Hein. Ah, c'est oui. Presque c'est le DJ du cœur, le DJ du cœur. L'album de l'été, 31 titres. C'est pour ça que ça va marcher. Aïe. Ne vous fiez pas d'ailleurs à la pochette. Hein. Ne vous fiez pas à la pochette, il n'a pas cette voiture. Non, je ne l'ai pas. Non. Ça, on dédicace d'ailleurs notre infographiste qui s'appelle Zine. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. Donc gros big up à Zine, graphiste. Il est connu dans toute la France. Big up à toi, bon ramadan mon pote. Dans un instant on fera du live. C'est ça. Avec qui? Avec Axel, avec Rizza qui nous font le morceau. C'est ça, ouais. Ouais, on va le faire sur on va faire. Je pense, nous on est dans l'impro dans d'accord. Les Planet Rap, donc on va. On va y aller, hein. Ça va être ouais, ça va être Rizza, on va refaire valider en live. Il y a un morceau inédit donc qui est sorti aujourd'hui voilà. Sur iTunes de Axel Tony. Qui s'appelle Elle Danse. Voilà, il est pas dans le projet mais c'est son single à lui qui est sorti. Bon, et on va se mettre un deuxième morceau qui est dans l'album Paris en New York de Rizza. Donc il a deux titres. Ah c'est à cause de toi, je dis Rizza même. Eh ouais. À la base, c'est Ritza. Ritza. Quand un D, un S, un A, ça fait The. C'est vrai. Eh oui, la langue française, la base. DSA. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi petit, cours le Z, petit cours de français, je suis désolé. Dis Ritza, qui vient, d'Orléans. Ritza, ouais, Ritza, Ritza, c'est vrai que je rajoute bêtement un Z. Voilà, et on va se mettre bien avec le morceau On se met bien. Donc Ritza, DJ Case, sur le, c'est le deuxième morceau sur le projet. Donc on va faire ça en live. On se met bien. C'est simple. On se met bien. C'est dans un instant avec Ritza. On se met bien. Ritza. Ne bougez pas, ne bougez pas. Juste avant, je présente Kéfir de Saint-Etienne. Salut Kéfir. Yo, bonsoir la planète, comment ça va Frédéric? Bah, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas de nouvelles de Kéfir, ça fait plaisir d'en avoir maintenant. J'ai vu sur tes réseaux sociaux que tu faisais du parapente. Ouais. Donc tu vas rapper en direct, d'où là? De la maison? De la maison, ouais. Très bien, bon, tout se passe bien à Saint-Etienne? Kéfir, tout il fait chaud? Tout se passe bien, nickel, hein, nickel chrome. Il fait bien chaud aussi à Saint-Etienne? Il fait très très chaud, ouais. Très très chaud. Bon, il te reste encore un petit peu de, force? Ouais, il me reste de la force, ouais, on va, je vais essayer. Eh ben on t'écoute mon pote, c'est parti. Yes. 1. Kéfir. Yo. 1. Évite de tester, je te l'ai gentiment dit. Je fais pas quasiment comme quand tu passes devant des gens qui m'ont dit. Des coups de sandales, de gladiateurs. Tu crois que tu pèses, c'est un scandale. Gars, tu planes comme un aviateur. Son de vandale, sale rappeur. Toujours dans la salle, assis près du radiateur. Kicker comme Vandame, micro-atomisateur. Je vois que t'es pas le copie de rappeurs. Des acteurs et des salles comiques. À quoi servent l'énergie des versis? Ça paye pas au bout du compte. Ils ont pas de face que des baisses réversibles. Écoute, je peux pas te la faire cool comme Matt pour Cora. Ça se gâte trop lourd, mais c'est Matto Doctora. C'est tout, je craque. Je suis à cran, t'es pas en sûreté comme un 12 grammes dans une poche ou mon flow sur un boom bap Malibu Grand. Yeah, yeah, K-E-Y-R, yo, yo. Évite de tester, je te l'ai gentiment dit. Flashback sur ma live, je rappe depuis l'âge ingrat. À cette époque, y'avait un script pop dans mon agenda. Je me souviens des postcards, Corio, Bombay, Gerda. Exprime sur les murs l'artiste qui sommeille en toi. Artiste, graffiti, graffiti, K-E-Y-R, yo. Hein, j'ai du mal, je pars en improvisation avec DJ Case. K-E-Y-R, tu sais qu'il manque une. J'arrive ici et je rappe pas en direct de Casa. Moi c'est KFYR et je rappe pour les mecs de Braza. Et yo, je rappe en direct de Skyrock, mon pote. Et je dédicace à Fabien, c'est son anniversaire. J'espère qu'il va se mettre bien. D'ailleurs, c'est le son qui va arriver. KFYR arrive ici, je suis fixé comme dans un rivet. Moi je balance le microphone. Et tu sais que j'avance et j'avance au microphone. Et yo, je suis pas à fond, mais j'essaie de rapper en pleine période de Ramadan. Je rappe ici MC, tu sais que je suis pas dans les temps. Parce qu'au téléphone, c'est dur. YR arrive ici et je représente pour ceux qui représentent l'écriture. Yo, DJ Case, Frédérico, Fabien, Ritza et toute la compagnie. YR arrive ici et je dédicace à ma pote Annie. Yo. Big up à toi, gros. Bien. Kéfir comme d'hab. Bien, bien. C'est pas facile au téléphone en plus. Hein. Non, il est fort, il est fort. Bravo, bravo à toi. En plus, hein, un peu. Hein. Bien joué. Kéfir, on t'attend d'ailleurs pour la saison prochaine. Hein. Yes, pas de soucis, je signe. Eh ben terrible, merci à toi en tout cas Kéfir de nous avoir bien freestylé cette saison. Bravo. Merci. Ouais, Kéfir, ça déchire, hein. Franchement, même au téléphone comme ça là. Et la big up DJ Case en plus, hein. Ouais. Jusqu'à Ritza. T'as plus qu'à aller à la t'as big up tout le monde. T'as plus qu'à aller à la Fnac demain. Tu veux même pas lui en offrir un Case. Bien sûr que si. Ah, bien. Il devrait déjà l'avoir offert. C'est très bien que dans la maison on est généreux. Je sais en plus. Ça te ressemblait pas d'un seul coup. Merci à toi, Kéfir. Merci à vous et je souhaite bonne chance à DJ Case. J'espère que tu vas en vendre des millions, des centaines jusqu'à. Des millions, je sais pas, mais. Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Ouais. Merci Kéfir. Les gens se marient beaucoup donc. Pas mal. Merci à toi en tout cas, Kéfir. À très vite. Passe de bonnes vacances. Je sais pas si tu pars, mais merci à toi. Merci. Ciao, Fred. Ciao. Est-ce qu'on est prêt pour le live maintenant? Bah, moi, j'ai des semblants de rail suprême là. Ouais, je sais, j'ai l'impression que t'es prêt à partir pour une heure de mix. Hein. Donc là, ouais, on va pas faire une heure, mais on va faire comme si ça durait une heure. Et bah, c'est parti, coup d'envoi, le live. Coup d'envoi, la famille. Moi, je suis Samoa, ça dit quoi? Tu vois où c'est? Skyrock, ça dit, moi, je vais au Maroc, c'est quoi? Ah ouais, moi, je vais en Algérie, en Kabylie, tu connais. Ah ouais, mais attends, y'a un problème là. Augmenter le volume. Ah ouais, tu sais quoi? Aujourd'hui, on vend une danse live. Vas-y, on peut aller jeter ça. Mais y'a un deuxième problème. T'as de sur iTunes. Ah ouais, mais c'est la haze, gros. J'ai Paris Sama, big up. Paris Chantilly. Hashtag, hashtag la famille. Hashtag DJ Kaïs sur Skyrock. Jamais sans mes potos, on est plus que des amis. Toute la night, toute la night. C'est pour mettre Bailey et Michel Willis Wahran jusqu'à Casablanca. Paris de Marseille, dans live, dans live. Attends, en précommande la famille, allez chercher ça. Attends, attends, attends. Dans les Paris, dans New York, les stars de Snap. DJ Kaïs, no good. C'est la lourdeur. Orléans 45. Storm G. Yeah. DJ Casablo. DJ Kaïs. Meilleur DJ de France. Cette semaine tu vas le sentir. Jezel. Yeah, yeah, yeah. Énorme morceau. DJ Diesel DJ Kaïs. DJ Kaïs. Validé. Validé. Aaron. Elle, elle, elle, elle s'appelle In. Elle aime pas la le DJ le plus soigné de Paris. DJ Kaïs, il est clair. Toujours mignon, DJ Kaïs au platine. Numéro 10 de soleil. Papa, ça H Magnum. Lourdes. Numéro 1 sur les lunettes de soleil. Yeah. On commence par les choses sérieuses. On y va. Tu connais le phénomène, ça rend toujours élégant. Demande à Justin, on est toujours dans les temps. Mais peu importe si tu m'aimes, mon trou s'en vient dans mon camp. Y'a trop de jalousie, à ce qui paraît je te dérange. On s'enjaille sur des DJ Kaïs. À fond dans la caisse, à fond dans la tête. Et les charges sont telles. Toi t'es plus le même, je crois t'es fou d'elle. Ah les problèmes. Appelle-moi pour un FIFA, appelle-moi pour un foot. Sans fait danser les défenses, nous on fait lever la foule. Bouge ton bras à ton épaule, c'est comme ça chez nous. Je te donnerai bien mon phone, mais ton père me regarde chelou. Miss t'es trop belle, je vais te mali-malier. Direction le bled, c'est validé. Habiba viens, j'ai besoin de m'évader. Mojito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais, allez, allez, allez. Pas que ça vers moi, allez, allez, allez. Je crois que je vais m'en aller, ouais, allez, allez, allez. Salam, salam, eh, allez, allez, allez. Miss t'es trop belle, je vais te mali-malier. Direction le bled, c'est validé. Gros KTM, j'oublie les Champs-Élysées. Tropico à la main, calé sous les palmiers. Danse, vas-y, danse, moi je kiffe. Sors ta plus belle robe, tes talons, fais la diff. On y danse, vas-y, danse, moi je kiffe. N'écoute pas les gens, oui, c'est bon, fais ta hive. J'suis pas Ronaldo, j'ai pas de Lamborghini. J't'invite au McDo, t'es gentil, t'as la pimine. Non, mais je rigole, t'es pas ta timide. J'aime trop quand tu m'ignores, j'adore quand tu souris. Me fais pas croire que t'es fatigué. Yeah, qu'est-ce que platine t'a validé. Yeah, du gros son, c'est les holidays. On arrive, tu veux pas rier. Tu veux pas DJ Kaïs. T'es trop belle, je vais te mali-malier. Direction le bled, c'est validé. Viva, viens, j'ai besoin de m'évader. Mojito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais, allez, allez, allez. Pas que ça faire moi, allez, allez, allez. Je crois que je vais m'en aller, ouais, allez, allez, allez. Salam, salam, allez, allez, allez. Axel Johnny. J'ai cherché, je t'ai trouvé. Tu sais que mon cœur attendait. Seul dans mon lit, y'a comme un vide. Toute la nuit, je fais que penser. Juste un kiss, kiss, girl, je suis ailleurs. Qu'on se le dise, dise, n'en ai pas peur. T'es pas prête, pas besoin de parler. Tu t'en prie, juste ouvre-moi ton cœur. Je vais te mali-marier. Direction le bled, c'est validé. Habib, va bien, j'ai besoin de m'évader. Mojito à la main, calé sous les palmes. miel. Je vais aujourd'hui parler, ouais. Aller, allez, allez, allez, allez. Braque ça vers moi. Allez, allez, allez. Je crois que je vais m'en aller. Allez, allez, allez, allez. Salam, salam, eh. Allez, allez, allez. Miss, t'es trop belle, je vais te marier, marier. Direct sur le bled, c'est validé, validé. DJ K, Rita. Sous les palmiers, je les entends parler, ouais. Allez, allez, allez, pas que ça à faire, moi. Allez, allez, allez, je crois que je vais m'en aller, ouais. Allez, allez, allez, salam, salam, eh. Allez, allez, allez. Farid Guetta, à la prod. Farid Guetta, Farid Guetta, le Lyonnais, 69. 45 ambiance. Bronzé, cocktail, c'est la I. Paris, Orion, New York, la famille. DJ Case, Casa, Ibiza, Paris. Skyrock, 40 yeah. degrés, c'est la I. Juston Records, oh, elle m'a donné une clope, mais voulait mon 06. J'ai qu'une chicha, mais vas-y, on négocie. DJ Case, don't stop, t'as reconnu l'équipe. Mon téléphone sonne, on me dit vas-y, fais des hits. Yeah. Nous on se met bien, poteau, vas-y, tweet. Dans la boîte, y'a des meufs qui twerk. Juston, ma table, si j'insiste, fais comme chez toi. Oui, serre-toi un verre. Sur Snapchat, t'envoies des trucs chelous. Si tu fais la folle, faudra assumer. Yeah. Non, on parle pas, on agit chez nous. Mais s'il te plaît, arrête de marceler. Paris Orange jusqu'à Barcelone. Une chose est sûre, moi je me casse au blé. Yeah. Salam la mif, on n'est jamais seul, je peux pas oublier. Grosse caisse, on arrive. Bronzé, cocktail, c'est la île. Smith, bien. Isno, Ritz à la famille. DJ Case, Paris Orange, New York. Meilleur album de l'été. Certifié avec DJ Case. Hola, hola, hola. Avec DJ Case. Avec DJ Case. Hola, hola, hola. Yeah. Avec DJ Case. Willy, Willy, Willy. Hola, qu'est-ce que t'as ? Salut, Salamello. Tu me rappelles sur un faux numéro. Avant tu me calculais pas, là tu veux me passer l'anneau. Mais j'étais mieux au stop, t'es tombé dans le panneau. Ah, je vais m'en aller. Je vais me caler. Je suis en deux blés, bien entouré. Toi t'es bloqué sur le périph. Nous on se met bien loin de Paris. Tu me regardes, qu'est-ce qui t'arrive? Sans ton équipe tu balises. Maroc, Tunis, Algérie. 2015 c'est la folie. Bronzé, cocktail, c'est la vie. Hey, hey. Grosse, grosse caisse, on arrive. Bronzé, cocktail, c'est la île. On se met bien. Casa, Ibiza, Paris. On se met bien. DJ Case, Paris, Oran, New York. Dans les bagues, va le chercher. Juston Records. Hey. Yeah. DJ Case. Axel Tony. Yeah. Yeah. Give me all. Elle oublie tout quand elle danse, danse, danse, danse, danse. Elle oublie tout quand elle danse, danse, danse, danse, danse. Yeah. Elle arrive dans le club. Ouh. Tous les yeux se sont braqués. Yeah. Elle n'a pas besoin de cum, non. Que la musique pour l'accompagner. Yeah. N'essaie pas de la draguer. La musique s'en est chargée. Stop, stop, stop, pas de limite. Quand elle bouge, bouge, bouge sur la musique. Quand elle danse, le monde autour s'arrête. Quand elle danse, même la musique s'arrête. Quand elle danse, danse, danse, danse, danse. Elle oublie tout quand elle danse, danse, danse, danse, danse. Elle oublie tout quand elle danse, danse, danse, danse, danse. Elle oublie tout quand elle danse, danse, danse, danse, danse. Yeah. Billet vert, billet violet. Elle n'a que faire de ta monnaie. N'essaie pas d'en faire ta reine. elle ne sera jamais tienne. Elle est venue avec ses copines, Axel Tony, elles font trop de fil. Stomp c'est classe, elle est unique. Quand elle bouge, bouge, bouge sur la musique. Quand elle danse, le monde autour s'arrête. Quand elle danse, même la musique s'arrête. Quand elle danse, danse, danse, danse, danse, elle oublie tout. Quand elle danse, danse, danse, danse, danse, elle oublie tout. Quand elle danse, danse, danse, danse, danse, elle oublie tout. Quand elle danse, danse, danse, danse, danse, à ce qu'il paraît, le monde s'arrête autour de toi. J'ai beau résister, tu ne me laisses pas le choix. Dis-moi rien qu'un seul mot et je suivrai tes pas. Axel Tony, ah, quand elle danse, le monde autour s'arrête. Quand elle danse, même la musique s'arrête. Quand elle danse, danse, danse, danse, danse, elle oublie tout. Quand elle danse, danse, danse, danse, danse, elle oublie tout. Quand elle danse, danse, danse, danse, danse, elle oublie tout. Quand elle danse, danse, danse, danse, danse. Yeah, le clip est sorti aujourd'hui, disponible sur iTunes. Yeah, yeah, va cliquer. Axel Tony, elle danse. Elle oublie tout sur iTunes. Yeah. Le clip disponible sur YouTube, le son sur iTunes. Yeah, elle danse, Axel Tony. Yes, Tony. Je pense qu'on peut faire du bruit pour tout le monde et notamment Axel, le live, les lives. Yeah, d'Axel merci. Tony de Ritza qui est là aussi avec nous. Ça, la famille. Et Isno voilà. À la fois. Entre 20h et 21h dans le planète rap. Présent, tu connais. Avec DJ Case. Merci à vous tous, en tout cas, pour cette première belle soirée. Merci à toi, Fredo. Merci, Fred. Merci à Case. On va en même temps souhaiter un bon ftol, comme on dit, pour ceux un qui bon passent leur ouais. Ensemble. C'est 22h, je c'est crois. 22h, c'est ça. 22h. Donc, pour tous ceux qui nous ont suivis, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve toute la semaine à partir de 20h. Un petit peu avant 20h, même d'ailleurs. Ouais, 19h50. Voilà. Donc, hashtag DJ Case sur Skyrock. Moi, je dors là, moi. Tu restes là, toi ? Ouais, je dors là, moi. Bah, écoute, vas-y, il y a un lama qui a fait caca là, donc fais gaffe quand même où tu vas. Non, tranquille, je suis sûr que c'est pas des conneries. Vendredi, on a eu le droit à de la bouse de lama, c'était intéressant à découvrir. Ouais, pas mal, pas mal. Skyrock, t'es sûr que tu veux animaux. Tu veux toujours dormir là ou pas dans le zoo ? Non, mais c'est bon, j'ai vu avec Fabien, il va me mettre un. Ah, un canapé. Et à quelque okay. part, ouais. Il connaît bien les canapés rouges, Fabien, dans quoi ? Il y a des dossiers ici. Ouh là là, ça pique ici. Ah, ça pique ici. Ce n'est que le début, on est que lundi. On est que lundi, non. Allez, on fait tourner rapidement la roulette avant de se quitter, c'est parti. Skyrock t'offre tes 4 entrées pour le parc Astérix. Salut Sabah de Tourcoing, comment ça va? Ça va très bien et toi? En pleine forme, je te présente toute l'équipe de Paris salut, Grand Nure. Salut, salut, salut, salut, ouais. Salut. Sabah, en pleine forme, tu as envie de faire tourner la roulette? Oui, j'ai très envie d'aller au parc Astérix surtout. Eh ben on y va. Crie fort, crie fort, crie fort, crie fort. C'est le cri de ta life. Pas de soucis. C'est ton moment. Pense à Obélix. Allez. Ok. La roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Ouais. Et bah c'est fait pour toi. Non pas une ni deux, mais carrément quatre places pour aller au parc Astérix. Ouh, le grand splash. Le grand splash. Tu repars avec un porte-clés du parc Astérix. Aussi, offert par Itza. Le menhir aussi. Trop fort. Ouais, nickel. Et Axel Tony qui t'offre... Le menhir. Le menhir, voilà. Bah, dis donc, tu es refaite. On te fait un bisou, Sabah. Passe une bonne soirée. Tu peux passer une dédicace ? Ouais, vas-y, on t'écoute. Je fais une dédicace à mon chéri qui est actuellement avec moi, ma mère, mon beau-père, ma soeur qui m'écoute, mon beau-frère et ma copine Elodie. Et bah, on salue toute la famille. Salut. On écoute en famille le planète rap parfait. Le DJ Case. Merci à vous tous. Merci à Axel Tony. Merci Diesel. Merci à Ritza. Merci à Axel Tony. Moi, je vais revenir cette semaine. Tu vois, il y a notre album, il vient de sortir en précommande. C'est Farid et Osama qui vont voir. Sortez-le, il fallait le précommander. Voilà, ouais, il fallait le précommander. Ouais, Tons Live sur iTunes. Live. Disponible sur iTunes. C'est des malades. C'est des gros sons d'été et marrants. Il faut y aller, voilà. Les gars. Il y a même Sabah qui est là encore. Allez, il va tout de suite. Très, très lourd. Très, très lourd. Bon, vous allez écouter ça et vous verrez. Et bah, on en parlera aussi cette semaine. Merci en tout cas à Isno. Merci à Case. Rendez-vous demain 20h21. Merci à tout le monde. Et on va retrouver D-Fool maintenant. Oh, D-Fool. Quel accueil. Le bel. Belge, est-ce que t'es là? Oui, ta petite photo. Je suis là, ma grosse Axel. Ma petite Belge. Ah, ma grosse. Avec sa petite mèche. Avec sa petite mèche, oui. Il y a du vécu là-dedans. Ah, bah ça, c'est une histoire d'amour. Ouais, Axel. Pamela, elle est là ou pas, Pamela? Ah, le problème. Elle s'est déranchée. Axel connaît Pamela. Bonjour, Axel. Elle est là aussi. Elle est là, mais c'est la folie ce soir, dis donc. Difool, comment va? Eh ben écoute, ça va, on se met bien nous aussi ce soir. Je t'attends le 22 octobre à la Cigale, Difool. Ah bon, on a le temps de se préparer, ça va. Avant, on va profiter un petit peu de l'été, puis le 22 octobre, on note la date. Bah, en tout cas, merci à vous pour cette belle soirée, pour bien démarrer cette semaine. Ah, on a dansé. Ah, bah Marie a dansé, tu vois. Ah, bah moi j'ai dansé dans la voiture. Ah, Marie a dansé dans la voiture. Bah, mais là, elle continue de danser alors qu'elle est en plus. Ça l'a bien, c'est super, Marie. Voilà. Tu cours, le Belge, t'es où là, Marie? Je suis là, poteau, t'inquiète. Cédric la Belge. Je m'occupe de Cédric la Belge, exactement. C'est son nouveau surnom pour les vacances. C'est elle-même. Parce que j'ai passé l'été dernier avec Cédric la Belge. Et alors, c'était comment? De superbes vacances. C'est vrai. Il y a des dossiers, fais gaffe, poteau. Il y a des dossiers, poteau, fais gaffe. Non, il y a rien. Bon, Difool, on va te rendre l'antenne ou pas? Ben, ça y est, c'est comme vous voulez. Alors, nous, on est prêts. Moi, j'ai envie déjà, d'ambiance. Bon, ben, salut Fredo, alors. Voilà, c'est ça. À demain, Fred. À demain. Foutre le bordel. À demain, Case. Il y aura de l'ambiance toute la semaine. Demain, on se met bien à 20h. Ah oui, à demain, ouais. 20h, 21h, c'est Planète Rap toute la semaine. Et nous, on arrive avec DJ Snake. On enchaîne les DJ sur Skyrock. DJ Case, DJ Snake. Et puis, vous tous et vous toutes en direct sur Skyrock. Il est 20h55. On arrive dans un instant avec le premier son de la soirée. You know you like it. Oui. Et puis avec c'est ça, c'est ça du coup. Oui, merci. Ah, oh, bah c'est les vacances déjà pour nous dans la tête. Hein. Bon, en direct jusqu'à minuit, on y va. C'est parti, Radio Libre. Merci les gars, à demain. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Cette année, le monde.